trop insultant. On remet les pendules à l'heure, c'est traumatisant. En véhicule, fait péter le compteur. Le rap français, on vient le dominer. T'inquiète, on est prêt et bien déterminé. Vas-y, check-moi la main, c'est comme ça qu'on fait dans le ghetto. Microphone check, on donne ça bien pour nos potos. On te met la tempête, la relève de comment rien. Comme un compète qui se lève, on fout le feu sur le terrain. On arrive en pagaille et on veut remettre de l'ordre. En gros, pas en détail, le rap, on vient le mordre. On se promet, toutes les règles, on se les permet. Cassons tout sans arrêt, esquive la maison d'arrêt. Démarrage au quart de tour, tout part devant nos tours. Ou sur les bancs de la cour, on traîne dans ses alentours. Tu peux me voir sur le toit, traîner en bas de chez moi, à Vauban ou au 103, toujours dans ce genre d'endroit. On remet les pendules à l'heure quand on s'approche du mic. Sur du Spike Miller, attache bien ta paire de Nike. Écoute mec ton, mon son je viens le cricter. Tout niqué sans piston, arrête tu peux pas tester. Trop insultant, on remet les pendules à l'heure, c'est traumatisant. En véhicule fait péter le compteur. Le rap français, on vient le dominer. T'inquiète, on est prêt et bien déterminé. Trop insultant, on remet les pendules à l'heure, c'est traumatisant. En véhicule fait péter le compteur. Le rap français, on vient le dominer. T'inquiète, on est prêt et bien déterminé. Subir nos sons, même si c'est ton droit, on te l'a fait à l'envers et on remet tout à l'endroit. T'as cru que c'était quoi? Zerma la cour des grands, même en étant crime, 92, toujours élégant. On m'a dit que mon rap ambiance c'est les Kaira, je sais pas. Capuché, mal éduqué, le reste, moi je sais pas. Y'en a qui bicrave, bédave et certains font les deux. Tu veux quoi? Du pilon, de la chenouf ou de la bœuf? Viens encadrer, souvent par des mecs rappels. J'pera, j'arrache tout, donc s'il te plaît, ferme ta gueule. Si l'heure doit être réglée, c'est bien qu'il n'y a plus le temps. Imagine la scène, un croman aux côtés d'un sultan. Dans le pura, fais-moi la pas s'orienter sera le contrôle. Que peut faire des couilles face à la boule d'un flashball? Soldat Commodore à jamais précurseur. L'heure c'est l'heure et laisse le terre-terre au dealer. Trop insultant, on remet les pendules à l'heure, c'est traumatisant. En véhicule fait péter le compteur. Le rap français, on vient le dominer. T'inquiète, on est prêt et bien déterminé. Trop insultant, on remet les pendules à l'heure, c'est traumatisant. En véhicule fait péter le compteur. Le rap français, on vient le dominer. T'inquiète, on est prêt et bien déterminé. Je me donne à fond dans la musique, car je sais que c'est mon domaine. Je vais viser le plafond, le rap, je le domine. Dans nos tests, t'as le track, même quand nos Kaira d'Ahak. Les Hagar arrachent les sacs, bientôt nos 10 dans les bacs. Écoute mon flow qui contamine, c'est du bon son qu'on ramène. On élimine les vermines, c'est les comores qui ramènent. Bah ouais, c'est notre tour, t'as qu'à regarder d'autres monts. C'est super chum, surtout quand le seum il t'émonte. Pour mon frelon fesse, qui me dit de pas lâcher l'affaire, d'écrire sans cesse et tout niquer en concert. Voici les mecs de l'archipel, du rap et des séquelles. Les MC veulent tout savoir jusqu'à la marque de mon scalpel. T'as capté la chire, on rappe en passe-passe. Comme un footballeur, on tire, on fait des bonnes passes. En érection, évite notre direction. Cuffeur, feutère, groupe 103, bagneux, châtillon. Chrome insultant, on remet les pendules à l'heure, c'est traumatisant. En véhicule, fait péter le compteur. Le rap français, on vient le dominer. T'inquiète, on est prêt et bien déterminé. Chrome insultant, on remet les pendules à l'heure, c'est traumatisant. En véhicule fait péter le compteur. Le rap français, on vient le dominer. T'inquiète, on est prêt et bien déterminé. Trop insultant, on remet les pendules à l'heure, c'est traumatisant. En véhicule fait péter le compteur. Le rap français, on vient le dominer. T'inquiète, on est prêt et bien déterminé. Trop insultant, on remet les pendules à l'heure, c'est traumatisant. En véhicule fait péter le compteur. Le rap français, on vient le dominer. T'inquiète, on est prêt et bien déterminé.